Bon, si je suis à Beyrouth, c'est uniquement parce que je fais de l'arabe. On a dit que j'étais arabe 10 ans, alors. Il se trouve que je suis à Beyrouth pour ces raisons-là. Je suis pas à Beyrouth pour des affinités particulières avec le Liban ou avec cette région, quoi. Bon, du point de vue des études arabes, la région est bien desservie puisqu'il y a l'Institut français à Damas, il y a le CREA à Beyrouth, bon, ce qui n'existe pas au Maghreb par exemple. Donc je suppose que s'il y avait un Institut français d'études arabes à Tunis, je serais actuellement à Tunis. Hein. Donc je suis à Beyrouth par accident, uniquement parce que j'apprends l'arabe. Et que tu as des bons moyens ici de la France. Mm-hmm.